بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فمن أوصاف المؤمنين أنهم يتناصحون parmi les caractéristiques du mu'min أنهم يتناصحون ils se conseillent فيما بينهم والذكرى كما قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وهذا من أنفع ما يكون للمؤمنين se conseiller, se rappeler, s'entraider, montrer les choses qui contredisent as-sunnah pour revenir au haq, فهذا سنافع جدا pour le mu'min. Ça lui est profitable. في دينه ودنيا. Tout ce qui est lié à son din et à sa dunya, il profitera en se conseillant. قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى كما في مختصر منهاج القاصدين وقد عز في هذا الزمن وجود صديق على هذه الصفة أي النصيحة. الإمام ابن قدامة رحمه الله عليه يقول أن à son époque ça se faisait rare un صديق un ami qui a cette caractéristique, ay an-nasiha, qui conseille. لِأَنَّهُ قَلَّ فِي الْأَصْدِقَى مَنْ يَتْرُكَ الْمُدَاهَنَ Et ça, c'est encore plus rare. Ay أَنَّ فِي الْأَصْدِقَى qui n'est pas de mudahana. Al-mudahana, c'est fermer les yeux, ne pas conseiller pour ne pas froisser un tel. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ فَيُخْبِرُ بِالْعَيْبِ وَقَدْ كَانَ السَّلَفْ يُحِبُّونَ مَنْ يُنَبِّهُهُمْ عَلَى عُيُوبِهِمْ السلف يزم quand on leur montre leurs erreurs. لماذا؟ لأنه c'est lui qui profite في الحقيقة. أنه il va délaisser cette erreur et il va revenir au حق. الله سبحانه وتعالى il aime ceux qui se repentent. Il aime ceux qui reviennent au حق. قال ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا. Ça c'est à l'époque de l'imam al-Maqdisi رحمة الله عليه. أما notre époque فأكثر. في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا. La plupart des gens الآن sont على هذا. أن يدتست ceux qui leur montrent leurs erreurs. قال رحمه الله وهذا دليل على ضعف الإيمان. Ça c'est une preuve. أن celui qui déteste qu'on lui montre ses erreurs, c'est une preuve que son إيمان, sa foi, elle est faible. فأحببنا في هذه الكلمة أن ننصح المسلمات خاصة عن بعض الأخطاء المنتشرة بين النساء والله سبحانه وتعالى الموفق dans cette كلمة مختصرة on va citer en bref quelques erreurs quelques مخالفات qui sont propagées à travers les femmes أولا الحذر أيتها المسلمة من الاغترار بأفكار أعداء الله Ton din, c'est une ni'ma. Min ni'amillahi azza wa jal. Fais attention à ne pas croire que al-kafir, al-mujrim, il veut ton bien. Khassatan, vous avez remarqué anna fi hadha zaman, ils combattent al-islam en combattant al-mar'a. Hurriyatul mar'a, ay la liberté de la femme. Al-da'wa ila al-musawa, l'égalité de la femme avec l'homme. كذلك التشبه بالكافرات يكمبات الحجاب الشرعي فاحذري أيتها المسلمة في attention لأن هؤلاء ils ne veulent pas notre bien أبدا قال الله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم هذا الكافر الله سبحانه وتعالى c'est lui qui l'a créé الله سبحانه وتعالى il sait ce qu'ils font et ce qu'ils manigancent قال عز وجل إن زافهم عن حالهم ما يود الذين كفروا أي الكفار إذا سبخبا أي زنبا كساسوا أهل الكتاب أو المشركون عموما أن ينزل عليكم من خير من ربكم أي كالله سبحانه وتعالى يدسند أن بيان sur les croyants, sur les musulmans. فهم يبغضون ذلك. Donc toutes ces da'awa, toutes ces idées qu'ils essayent de propager, de libérer la femme musulmane, wallahi, annahu, c'est pas pour ton bien. لماذا لأن الله عز وجل il nous a informé dans ce verset أنهم ils veulent pas notre bien. وقال جل وعلا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ود كثير من أهل الكتاب أي beaucoup de gens parmi les gens du livre ils espèrent t'écarter de ton dîn لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا أي qu'on redevienne des كفار أو qu'on sorte de l'islam après avoir connu l'iman. Pourquoi? حسدا من عند أنفسهم الحسد la jalousie. On doit s'accrocher à cette ni'ma. قال عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. Ils espèrent, les kuffar, من اليهود, من النصارى, les chrétiens, les juifs et autres, on devient nous-mêmes des kuffar, حتى on est comme eux. فتكونون سواء. حتى vous êtes semblables. فحمد الله أيتها المسلمة. هذا الدين c'est une ni'ma عظيمة. نحن si on montre ces erreurs, c'est pour conseiller. Et celui qui conseille et qui montre les erreurs à son frère ou à sa sœur, il lui veut son bien. Amma appelé à la liberté, à l'égalité, tu fais ce que tu veux, t'es libre, ça te sera d'aucune utilité. Indallahi azza wa jal. Et celui qui veut ton bien, il te conseille. Wa qala azza wa jal, wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu maylan 'azima. C'est ce qu'ils veulent. Alladhina yattabi'una ash-shahawat. Ceux qui suivent leur passion. من الكفار ومن غيرهم من تأثر بهم ماذا يريد أن تميلوا ميلا عظيما أي c'est que vous déviez. الميل c'est dévier, s'écarter. ميلا عظيما أي un égarement évident, واضح. فحذري. Parmi ces choses qui font beaucoup de mal à la femme, التبرج من الأخطاء الشائعة بين النساء التبرج وترك الحجاب. التبرج c'est se dévêtir, ne pas porter le hijab. قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الله سبحانه وتعالى لغدنا la femme de rester في بيتها وقرن في بيوتكن. C'est ça la base, c'est que la femme elle reste chez elle. Et on détaillera ce point inshallah. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. On doit faire attention à ne pas ressembler aux kuffar. On doit faire attention de ne pas délaisser notre dîn pour essayer de remplacer par autre chose et croire que la liberté, s'épanouir, se moderniser, c'est avec autre que notre dîn. وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى قَالَ الشيخ سعدي رحمه الله dans son tafsir أي لَا تُكْثِرْنَا الْخُرُوجِ مُجَمِّلَاتِ أَوْ مُتَطَيِّبَاتِ. Et ce point on le détaillera, sortir parfumé. كَعَادَةِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى الَّذِينَ لَا عِلْمَ عِنْدَهُمْ وَلَا دِينَ. La femme, elle ne doit pas ressembler à Haoula. Pas de ilm et pas de din. C'est pour ça qu'ils appellent à sortir des vêtus, à ou parfumer, à ou s'embellir. Pour eux, ça fait partie de la modernité, de la liberté, de l'émancipation. Mais nous, là, on est des musulmans, on a un kitab, on a un Coran. Allah, il a envoyé un messager, on a un din, on a des règles à suivre. قال الشيخ سعدي فكل هذا دفع للشر وأسبابه. Tout ça, c'est pour appeler au mal, propager le mal entre les muslimates. وَهُمْ يُرَكِّزُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْأَعْدَاءِ. Ils font beaucoup d'efforts pour salir la femme, égarer la femme. Pourquoi? لِأَنَّ cette femme, c'est elle, الْمَدْرَسَةِ فِي الْحَقِيقَةِ الْمَدْرَسَةُ الْأُولَى. C'est elle la première école pour les générations des muslimines. C'est elle la mère. C'est elle qui va éduquer les enfants. Donc si cette école, cette base, cette femme, elle s'égare, elle suit ses passions, elle faiblit. Toutes les générations qui viendront après, ils seront éduqués par cette femme. Et c'est pour ça, nous, en tant que musulmans, on doit faire beaucoup d'efforts à éduquer cette femme, lui apprendre son din, elle-même, elle doit faire des efforts, hatta elle éduque les futures générations à la khayr wa huda. Fahafidhi ala dinik bi hijabika shara'i. Ce hijab, c'est une ni'ma azima min ni'amillahi azza wa jal. Qala subhana, ya ayyuhan nabiyu, qul li azwajika وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أمر من الله سبحانه وتعالى. Il a ordonné à son messager de dire à ses femmes, à ses filles et aux femmes des croyants. Ça montre que ce verset c'est pour toutes les femmes. أن أو قال ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Et de porter الحجاب الجلباب الشرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما. Deux catégories parmi les catégories des gens de l'enfer, le Nabi صلى الله عليه وسلم il les a pas vus à son époque. قال نساء. La première catégorie, et c'est en relation avec notre sujet, نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات. Des femmes كاسيات عاريات, elles sont habillées, mais في الحقيقة c'est comme si elles étaient, elles étaient dévêtues. Ma'ilat mumilat. Ru'usuhunna mitla asnimatil bukht. La yadkhulna al-janna. Wa la yajidna rihaha. Ils ne rentrent pas fil janna et ils ne sentiront pas l'odeur. Al-hadith il avait sahih muslim. Qala shaykh al-islam ibn Taymiyyah rahimahullah en expliquant ce hadith. Kasiyat, ariyat, qala bi an taktasi ma la yasturuha. Elle s'habille, elle porte des vêtements, lakin fil haqiqa, ça ne la couvre pas. Imma c'est des vêtements moulants, iyadam billah. Imma c'est des vêtements tu vois à travers. Imma c'est des vêtements qui attirent. Il y en a le but pour la femme de se couvrir, c'est de ne pas attirer, c'est de cacher ses formes, cacher sa zina, sa beauté. Qala rahimahullah fa hiya kasiya wa hiya fi al-haqiqa ariya. Elle est habillée, lakin fi al-haqiqa c'est comme si elle était nue. Mitla man taktasi al-thawb al-raqiq الذي يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطع خلقها أو مقاطع خلقها. نعم مثل des vêtements, شيخ الإسلام السيد رحمه الله, إما ils sont fins, tu vois à travers, إما c'est des vêtements moulants et on voit les formes. وللأسف بعض نساء المسلمين elles font des efforts pour porter le hijab, لكن في الحقيقة c'est pas le hijab الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. Le hijab il a des conditions. Ça doit être une couleur qui n'attire pas. Ça doit être un hijab qui est ample, qui est pas serré, moulant. نعم, ça doit couvrir tout le corps. C'est ça le hijab الشرعي. أما se couvrir les cheveux فقط, ثم porter des habits qui ressemblent à ceux des hommes, des habits moulants, des choses ربما avec ce hijab et cette tenue elle est encore plus attirante que sans. فهذا c'est pas mina الحجاب الشرعي في الشيء. Le but أيتها المسلمة c'est pas de se couvrir les cheveux. Le but c'est de couvrir son corps. Le but c'est de couvrir ses formes, ne pas être attirante. C'est ça le but. أما couvrir ses cheveux فقط, c'est pas ça الحجاب الشرعي. فلهذا قال عز وجل يدنين عليهن من جلابيبهن. Vous avez remarqué que dans le verset c'est pas cité les cheveux là. Elle doit se couvrir cheveux et autres. قال شيخ الإسلام إنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها. نعم. Donc, شيخ الإسلام يمنخ أن ce hijab, ça doit la couvrir et couvrir ses formes. لكونه كثيفا واسعا. Ce vêtement, il doit être épais, on ne voit pas à travers, et il doit être ample, large. حتى, on ne voit pas les formes. انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحجاب. Que هؤلاء الكفار, ça les dérange جدا الحجاب الشرعي. Pourquoi? لأنهم, ils veulent qu'on s'égare. Ils veulent profiter de cette muslima. Comme ils ont profité des autres. قال عز وجل ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما لا تغتر بهذه الدعوة. أنهم, ils veulent ta liberté. والله, ils veulent ton فساد. والله, ils veulent ton mal. Celui qui veut ton bien, c'est celui qui te conseille avec les preuves du Coran et de la Sunna. كذلك من المخالفات الشائعة, parmi les erreurs qui sont répandues, التشبه بالرجال. نعم, tu trouves أن بعض النساء elles s'habillent comme des hommes, des vêtements qui sont خاص pour les hommes. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. النبي صلى الله عليه وسلم il a maudit هؤلاء, les hommes qui ressemblent aux femmes et les femmes qui ressemblent aux hommes. Enfin, chacun à sa place. L'homme, il a des habits spécifiques. La femme, elle a des habits spécifiques. Voilà, il est juste que cet homme, il s'habille comme une femme, ou cette femme, elle s'habille comme un homme. من المخالفات كذلك كثرة الخروج من المنزل بدون حاجة. Et ça, c'est une belle loi. أن بعض النساء, elles se sont habituées à sortir, enfin, elles sortent pour aucune raison. مع أن الله سبحانه وتعالى يقول وقرن في بيوتكن أمر من الله. C'est pas ma parole ou la parole d'un savant ou d'un prédicateur, c'est la parole d'Allah jalla wa ala. وقرن في بيوتكن أي restez dans vos foyers. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه أي إلزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. أي la femme elle doit rester dans son foyer chez elle. Et elle sort qu'en cas de besoin. Et fil haqiqa, hada, c'est pour le bien de cette femme. Il y en a une femme qui sort, elle est exposée à beaucoup de problèmes. Et les femmes qui travaillent ou qui ont travaillé, elles ont vécu hada. Elle n'est pas à l'aise. Khasatan, l'époque où on vit. Na kathiran minan nas, ils veulent du mal, faire du mal, profiter de cette femme. Wa an ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة سين عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. الحديث إلى صحيح. قال المناوي رحمة الله عليه في فيض القدير il explique ce hadith, cet imam, فإذا خرجت أي من خدرها استشرفها الشيطان يعني رفع البصر إليها ليغويها أو يغوي بها. Cette femme quand elle sort, Shaitan il fait tout pour attirer les regards vers elle. Pour qu'elle se fasse du mal ou elle fasse du mal à un autre. Fitna. Fa kullama alzamat al-mar'a baytaha kullama kanat ab'ad min al-fitna. Plus la femme elle reste chez elle, plus inshallah elle est écartée des fitnes. Et chez elle elle est fi ni'ma avec ses parents ou avec son mari, avec ses enfants, elle est fi ni'ma 'azima. Wa kathrat al-khuruj yusabbib al-ihmal. Kadhalik le fait de beaucoup sortir, ça va impliquer des choses et un manque par rapport à ce mari. Ou par rapport à ses parents, ou par rapport à ses enfants, par rapport à son foyer. Amma, idha kharajat li haja, ou avec un mahram, si elle sort, il y a un besoin, ou avec un mahram, fala yajouz, an takhruj mutatayyib. Elle n'a pas le droit de sortir parfumée si elle sort en cas de besoin. An Zaynab, mra'at ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qalat, qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, idha shahidat ihda kunna al-masjid, فَلَا تَمَسَّ طَيْبَ رَوَهُ مُسْلِمْ. تَأَمَّلِي. Si elle sort pour aller au masjid, elle n'a pas le droit de se parfumer. Enfin, qu'est-ce qu'on va dire de celles qui sortent? C'est pas pour aller au masjid. فَمِنْ بَابِ أَوْلَا, elle n'a pas le droit de sortir parfumée. أَمَّا الَّتِي تُرِيدْ بِهَذَا الْعِطْرَ فِتْنَةِ الرِّجَالِ. أما celle qui se parfume et son but c'est d'attirer les regards, وَالْعِيَدُ بِاللَّهِ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها. Si une femme elle se parfume et elle sort pour attirer les regards, فهي كذا وكذا قال قولا شديدا, يعني زانية. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit فهي زانية فهي زانية. C'est comme si elle avait fait zina, عيادا بالله. Pourquoi? لأن c'est une porte ouverte à zina. والمرأة quand elle sort elle doit avoir de la, elle doit avoir de la pudeur dans sa démarche. Elle ne doit pas hausser la voix, elle ne doit pas sortir parfumée. Pourquoi? Parce que c'est amrun min Allah azza wa jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam kadhalik. Ta'ammali l'an. La femme d'Ibn Mas'ud, elle rapporte ce hadith. C'est connu, c'était connu entre les femmes de sahaba, les femmes de salaf. Ça la tartari l'an. Rubama ba'd an-nisa, elles entendent ces conseils et elles pensent que c'est de la dureté, que c'est de l'égarement, que c'est pas comme ça. Voilà, نحن ولد مسلمون et on doit revenir au Coran et à la Sunna. كذلك من الأخطاء, et c'est lié au point précédent, السفر بدون محرم وهكذا الشيطان. Au départ la femme elle sort toute seule, ثم une autre étape le voyage, tout ça pour l'égarer. Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم متفق عليه. La femme, elle n'a pas le droit de voyager sauf avec un mahram. Et ce voyage, il n'est pas limité. Il n'est pas limité en nombre de jours, en nombre de nuits, en nombre de kilomètres. Tant que c'est un voyage, et c'est connu que c'est un voyage, la femme, elle n'a pas le droit. Même, comme on a vu dans le point précédent, si ça peut pousser à un mal, s'il y a une fitna, si elle risque certaines choses, même sans voyage, elle doit sortir avec un mahram. Pour la préserver, c'est pour son bien. Amma le voyage, ben c'est clair. Le voyage, c'est obligatoire d'avoir un mahram. Même si c'est un voyage très court. À notre époque, beaucoup de sœurs se posent la question par rapport au voyage en avion. C'est très court. Hatta, c'est un voyage. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit. Et cette sharia, c'est une révélation d'Allah, azzawajal. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il a interdit une chose. Enfin, elle englobe toutes ces choses. Que ce soit un voyage en avion, en voiture ou autre. Qala al-Sheikh Abdel Aziz, Ibn Baz, rahmatullah alayhi. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم متفق على صحته. Donc que ce soit en avion ou autre, que ce soit un voyage court ou pas, Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, ils ont interdit à cette femme de voyager sans mahram. قال شيخ بن باز ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل ما دامت ليس لديها من يحميها. نعم. حتى ce voyage en avion, on n'a pas le droit de minimiser les choses, de prendre les choses à la légère. Ce voyage en avion, ça peut durer une heure et ça peut être un problème pour cette femme qui est tout seule. Peut-être qu'elle sera assise à côté d'un homme étranger et il lui fera du mal. Et ça peut être 10 minutes, un quart d'heure, une heure et ça lui fait du mal. Donc, ces ahkam, ces jugements, c'est pour le bien de la femme et c'est pour le bien de l'homme. قال الشيخ بن باز وأمر آخر هو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحيانا فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته. كذلك أن ce voyage en avion, il peut être perturbé par quelque chose, par une panne ou autre. Enfin, cet avion, il est forcé d'atterrir dans tel aéroport, ça peut durer des jours. ثم il les déplace dans un hôtel et cette femme tout seule, ماذا تفعل. Surtout à cette époque où on vit, et surtout dans certains pays, c'est achad. Falhadar min hada. La femme, elle n'a pas le droit de voyager sans mahram. Que ça soit pour le hajj ou autre, hatta pour le hajj, elle n'a pas le droit. Alors que c'est pour accomplir une ibadah azim. Lakin, le voyage sans mahram, elle n'a pas le droit. Walil asaf, beaucoup de femmes à notre époque, elles prennent à la légère hada. Et ça leur fait du mal. Ou ça leur fera du mal. Dans leur dîn ou autre. Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah. Parmi les erreurs كذلك ou les mukhalafat, al-ikhtilat, la mixité. Que ça soit fil amal, que ça soit au travail, ou fil munasabat, que ça soit un mariage ou al-aqiqa ou autre, tout ça c'est interdit. Al-ikhtilat, se mélanger entre hommes et femmes. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء متفق عليه. La fitna la plus dangereuse que le prophète صلى الله عليه وسلم il nous a averti, mis en garde, c'est la fitna des femmes. Fitna pour la femme et la femme c'est une fitna pour l'homme. قال الله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. Ce verset, il est واضح. Il montre clairement que entre l'homme et cette femme étrangère, il doit y avoir un hijab. قال الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم الشيخ رحمة الله عليه dans ses فتاوى الأمر بكون سؤالهم من وراء حجاب دليل واضح على لزوم الحوائج وعدم الاختلاط. لأن الله عز وجل يقول وإذا سألتموهن, si vous leur demandez quelque chose, demandez-leur derrière un hijab. Ça montre que entre les hommes et les femmes, bien sûr, autre que les maharim, il doit y avoir un hijab. Et ce hijab, c'est pour éviter la mixité. Donc la preuve pour interdire la mixité, elle est fil Qur'an al-Karim. C'est pas l'avis d'un tel ou une pensée ou comme ils disent du radicalisme ou abadan. C'est notre din. Et ma fin, c'est de l'ikhtilat. Elles sont connues. Les méfaits de la mixité. Nahnu, on ne détaillera pas ici. Falhaqiqa, ce point, ça mériterait un cours à part. Lakin, faqat, نحن انغزم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر إياكم والدخول على النساء mise en garde du prophète صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول أي ne rentrez pas dans un endroit où il y a des femmes. فقال رجل من الأنصار un homme parmi الأنصار il a demandé au prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله أفرأيت الحمو il a posé cette question au prophète صلى الله عليه وسلم الحمو الحمو c'est أقارب الزوج c'est les proches du mari مثلاً son frère مثلاً son cousin مثلاً son oncle قال النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت رواه البخاري ومسلم الحم الموت لأن بعض الناس يفكر que la mixité c'est interdit qu'avec les étrangers أي مثلاً son frère ou son cousin ou son oncle si il rentre dans une pièce où il y a sa femme pour lui c'est pas la même chose pourquoi parce qu'ils se connaissent c'est son frère c'est la famille النبي صلى الله عليه وسلم ses proches il les a appelés le maut il les a comparés à la mort tellement que c'est dangereux et tellement que ça peut faire du mal encore plus et c'est déjà arrivé وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون بمرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم النبي صلى الله عليه وسلم nous a interdit de rester seul avec une femme pourquoi لأن le troisième c'est le shaitan et ça ça englobe les proches ou autres tant que c'est pas un mahram comme جاء في الحديث فالحذر من التساهل في هذا الحذر كذلك on conseille les sœurs أن حتى avec une chose dont elles ont besoin لكن elles peuvent éviter elles doivent faire attention مثلا le médecin certaines femmes من المسلمات elles ont des médecins hommes alors qu'il y a pas une il y a pas un besoin tu peux trouver un médecin femme Bien sûr, le cas de Daroura, en urgence, et elle ne trouve pas de femme, et elle a besoin d'être soignée, c'est un autre cas. C'est clair que c'est permis. Lakin, prendre à la légère et ne pas s'habituer à appliquer ses preuves, ça fera du mal. Donc la femme, elle a un médecin femme. Wallahu musta'an. Kadhalik, et c'est lié avec l'ikhtilat, musafahatu al-ajanib, serrer la main. Cette femme, elle n'a pas le droit de serrer la main et l'homme kadhalik, il n'a pas le droit de serrer la main tant que ce n'est pas un mahram. عن معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له وعيد شديد في الحقيقة هذا الحديث يكفي أي une aiguille أو quelque chose en fer qui te pénètre dans la tête, c'est mieux que de serrer la main à une femme qui n'était pas permise. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إلى الصحيح وعن أميمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء هذا الحديث إلى الطيب لماذا؟ لأن بعض الناس يقول لا, moi mon cœur il est pur mais c'est ma cousine je la connais, c'est ma voisine on a grandi ensemble النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين خير الناس عليه الصلاة والسلام il serrait pas la main aux femmes étrangères إني لا أصافح النساء فترك شبهات الشيطان الشيطان il veut égarer بعض الناس أن c'est comme ta sœur c'est comme ta fille النبي صلى الله عليه وسلم c'est lui qui légifère الله سبحانه وتعالى il a envoyé النبي صلى الله عليه وسلم pour nous démontrer notre دين Donc c'est interdit. Que cette femme elle soit jeune, qu'elle soit plus âgée, c'est interdit. Et en fait, c'est pour ton bien. Ta'ammal al-wa'id. La'an yut'an fi ra'si ahadikum bimikhyatin. Al-mikhyat c'est un objet en fer. Ay yut'an fi, ay on l'enfonce dans sa tête, c'est mieux que de serrer la main d'une femme étrangère. Wa kadhalik, parmi les mukhalafat, tarqiqu al-kalam ma'a al-ajanib. Ay cette femme Parmi les erreurs qui sont répandues, elle embellit sa voix quand elle parle à un homme étranger. Ou hada c'est haram. قال الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Elle n'embellissez pas vos voix. Mais les malades, il y en a celui qui est malade du cœur, il pourra espérer certaines choses. وقال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه قال السدي وغيره. Et dans l'explication de ce verset, يعني بذلك ترقيق الكلام. Et parler avec une voix douce, embellir sa voix. إذا خاطبنا الرجال. ففي هذا الحال لا يجوز. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a démontré à cette femme annaha qala wa qulna qawlan ma'rufa. Cette femme, elle doit dire un qawl ma'ruf. C'est quoi le qawl ma'ruf? Qala l'imam al-Qurtubi rahmatullah alayhi fi tafsirih, wal mar'a tundab idha khatabat al-ajanib wa kadha al-muharramat alayha bil musahara ila al-ghilza fi al-qawl min ghayr raf' sawt. Donc cette femme, elle doit parler avec un ton sec et sans élever la voix. Et bien sûr, sans l'embellir. فَإِنَّ الْمَرْأَةَ مَأْمُورَ بِخَفْضِ الْكَلَامِ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَ On répète le verset. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. قول معروف. أي un ton sec sans l'embellir. Elle baisse sa voix. Et elle m'a parlé aux hommes. C'est pas interdit. Surtout quand il y a un besoin, bien sûr. C'est pas interdit. Il y en a dans certains cas. Elle n'a pas le choix. Elle doit parler. Lakin si elle parle, elle parle avec le qawl ma'rouf, sans s'étaler sur les sujets, sans embellir sa voix, bien sûr, sans plaisanter, sans rire. Les mains d'elle, elle n'a sept hommes, c'est pas un mahram pour elle. C'est min al-adjan, même si c'est un proche, même si ça fait partie de la famille, tant que, à la base, elle aurait pu se marier avec lui, ou il aurait pu se marier avec elle, elle est haram pour lui. Ça fait sortir, bien sûr, al-maharim, le père, son fils, son frère, son oncle, ses neveux, etc. Kadhalik, parmi les المخالفات كثير من النساء يتسهلن في الحقيقة في هذا عدم طاعة الزوج ne pas obéir à son mari. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها. Et ce hadith في الحقيقة c'est une bonne nouvelle, بشرى pour les musulmans. إذا صلت المرأة خمسها, si cette femme elle fait ses 5 salawat à l'heure, وصامت شهرها, elle jeûne le mois de Ramadan, وحفظت فرجها, elle préserve فرجها, أي elle fait pas zina, وأطاعت زوجها, et elle obéit à son mari, 4 choses, الصلاة, الصيام, elle s'écarte des perversités, de zina, والعياذ بالله, elle obéit à son mari, قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. يوم القيامة, il sera dit à cette femme, rentre في الجنة par la porte que tu veux. Al-Jannah, il y a plusieurs portes. Elle choisit par quelle porte elle veut rentrer. Al-Hadith, sahahahu al-Imam al-Albani, rahmatullah alayhi. Wa qala Allah ta'ala, al-rijalu qawwamuna ala al-nisa bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd. Donc cette femme, elle doit obéir à son mari. Et cette obéissance à son mari, fil-haqiqa, c'est une obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Parce que c'est Allah qui lui a ordonné d'obéir à son mari. Bien sûr, cette obéissance, c'est fil ma'rouf. C'est pour ça qu'on conseille les maris bi taqwa Allah. Ils n'ont pas le droit d'imposer à leurs femmes des choses haram. D'enlever le hijab, ou de se mélanger, ou de serrer la main à des personnes étrangères. Ils ont une faiblesse dans la foi. Rabbama, la femme, elle fait plus d'efforts. Thumma, ils essayent de lui imposer al-haram. Dans ce cas-là, n'obéit pas. Lianna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, إنما الطاعة في المعروف. Et dans l'autre hadith, لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Donc, في هذا الحال, elle patiente, elle le conseille, elle fait du'a et elle obéit à Allah Azza wa Jal. Amma, si son mari, il lui veut du bien, il veut son bien, et il l'appelle à suivre sunnah, elle doit lui obéir. Elle doit lui obéir. Tout ce qui concerne le din, et tant que ce n'est pas un haram, même les choses de dunya, elle doit lui obéir. وكذلك المرأة لا تكثر على زوجها بالمطالب. Et ça, كذلك, ça fait du mal au couple. Et ça fait du mal à cette femme. Elle a trop de demandes envers son mari. Des choses de dunya. Chaque jour, une nouvelle chose. Surtout si ce mari fait des efforts. Et elle sait, elle voit qu'il fait des efforts. Lakin, il est limité dans certaines choses. Elle n'a pas le droit de lui imposer des choses au-dessus de sa capacité. Normalement, cette femme, elle doit l'aider. هكذا un couple. La femme, elle aide l'homme. L'homme, il aide la femme. Amma, s'imposer des choses, vivre au-dessus de ses capacités, ça fait du mal pour cette femme et pour autre. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, tanbihun muhim, li anna beaucoup des problèmes que cette femme elle rencontre ou son mari, les problèmes de couple, c'est beaucoup par rapport à l'obéissance du mari si elle contredit l'obéissance d'un proche. La femme elle doit faire passer l'obéissance de son mari avant, tant que ce n'est pas un haram bien sûr. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى المرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويها. L'obéissance du mari, c'est préférable, c'est mieux et ça passe avant que l'obéissance envers ses propres parents. Il y en a كثير من الفتن الآن. Le mari est une chose, la mère de cette femme ou son père ou son frère ou autre, il dit une chose, elle met en opposition la vie de ce proche avec, la vie de son mari ou l'ordre de son mari. Et ça, ça fait des problèmes. Cette femme, elle s'est mariée et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la responsabilité à l'homme, au mari. فلهذا قال عز وجل الرجال قوامون على النساء أيتها المرأة tu dois être modeste et tu dois te rabaisser لله عز وجل. في الحقيقة c'est pas un rabaissement vers le mari, là c'est une soumission à Allah عز وجل. Tu obéis à ce mari طاعة لله عز وجل et t'espères la récompense. Et la femme, elle ne doit pas oublier le khayr. Le mari, ses efforts qu'il fait, ses sacrifices qu'il fait, ثم ربما une petite chose, elle oublie tout. فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز et هذا c'est من كفر النعمة. كذلك le mari, il doit faire des efforts, il ne doit pas oublier le khayr. Cette femme, elle patiente, elle prend soin de lui. Une chose et il ne patiente pas معها. فالتعاون c'est مطلوب, s'entraider. وتأمل هذا الحديث et on finit ce point avec ce hadith. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه حتى الصيام. Bien sûr, صيام recommandé. أما رمضان, ça fait partie des piliers de l'islam. Elle doit le jeûner. Le mari, il est d'accord comme là. أما النافلة أي un صيام autre que le صيام obligatoire, le mois de رمضان, elle n'a pas le droit de jeûner si son mari est présent, sauf s'il lui donne l'autorisation. Ça montre en Allah subhanahu wa ta'ala faddala ar-rajul 'ala al-mar'a, et la femme elle doit obéir à son mari. Hatta si elle veut jeûner, elle doit lui demander la permission. Wa hunak umur muharrama. On va citer pour conclure cette nasiha plusieurs points. En bref, lana fil haqiqa chaque point il a besoin d'être traité à part, et on a déjà traité certains de ces sujets. Walillahil hamd, lakin on les cite huna brièvement. At-tajammul bima harrama Allah. Aïe, s'embellir avec des choses que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. فَهَذَا كَثِيرٌ مِنَ النِّسَاءِ sont éprouvés par هذا. Et في الحقيقة, c'est une faiblesse de foi. وَإِلَّا l'embellissement, s'embellir, c'est avec l'obligation, c'est avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en obéissant, en s'écartant des péchés. C'est ça le fait de s'embellir. Emma, pensez qu'à son corps, pensez qu'à l'apparence, en désobéissant à Allah azza wa jal, ça fait du mal. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ que ceux qui délaissent les obligations, les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils prennent garde. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Une fitna, ça fait des problèmes de couple, ça fait des problèmes dans beaucoup de choses. كَذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ peut-être que ça aura pour conséquence un châtiment min Allah azza wa jalla. Tout ça pour quelque chose de futile. Comme on va voir l'an. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والموتشمات. النبي صلى الله عليه وسلم il a maudit الواشمات والموتشمات. Hey, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les tatouages. Que ça soit comme elles faisaient les générations avant nous ou ce qui s'est propagé l'an. عياذا بالله. Tout ça c'est interdit. قال والمتنمصات. وهذا c'est خطير et c'est répandu. Aïe, les femmes qui s'épilent les poils du visage, surtout les sourcils. Fahada c'est haram, c'est min al-kaba'ir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit ce genre de femmes. Ya ayyatuha al-muslima. Pour quelques poils, robama un poil, deux poils, et fil haqiqa, personne ne fait attention. Et on répète, c'est pas ça la beauté. Aïe, les enlever et risquer la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit faire attention à shaitan et djounou de shaitan. Lakin, la femme qui veut se préserver de hada, elle doit faire attention à ses fréquentations. Et elle a les fréquentations, elles font ces choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celui qui les fait, et elles les font comme si c'était halal. Et la femme qui fréquente ce genre de femme, sa foi elle baisse, et ça devient normal. Al-mutanammisat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a maudit. Dans l'autre hadith, al-namisa ou al-mutanammisa, celle qui se fait enlever les poils et celle qui enlève les deux. Elles sont maudites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. Celles qui changent la création d'Allah azza wa jal. هذا لا يجوز. كذلك les teintures. كذلك dans un autre hadith ونهى sallallahu alayhi wa sallam كذلك عن الوصل. وصل الشعر بشعر آخر. Elles se rajouter des mèches de cheveux إلى آخره. Tout ça لا يجوز. La femme elle est comme elle est. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a créé et il a une hikmah. Et l'essentiel, c'est l'af'al. Hatta ton mari, si c'est un salih, il ne regarde pas que l'apparence. Comme min al-nisa, rubbama Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a donné de la beauté, et elles obéissent pas, ou elles ont un mauvais comportement, et rubbama, son mari, il peut plus la voir. Enfin, c'est pas ça, la beauté. La beauté, c'est le zoom sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, faire des efforts dans les choses moubah. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah, il aime la beauté. Lakin avec les choses halal. Kadhalik, parmi les munkarat qui sont répandus, بين النساء et autres, fil haqiqa, c'est pas réservé. Beaucoup de ces points qu'on cite, c'est pas que pour les femmes. Lakin, certains points, fil nisa akthar. Sama'u al-aghani. Écoutez la musique. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. Ibn Mas'ud رضي الله تعالى عنه, il a juré, il a expliqué ce verset par al-ghina. Et cette chose qui égare les gens, qui fait du mal aux gens, al-ghina, la musique. كذلك الغيبة والنميمة, la médisance. والله سبحانه وتعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا. Et on n'a pas le droit de parler les uns sur les autres. Birir haq. Sans le but, ce n'est pas conseillé. Pourquoi parler par derrière? Ça fait que du mal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لا يدخل الجنة نمام. Il ne rentre pas dans le jannah. C'est min ahadith al-wa'id. Ça fait partie des hadiths qui menacent celui qui fait cette chose. كذلك فتنة التصوير. Les photos. Et les photos qui représentent un être qui a une âme, être humain ou animaux. هذا سي حرام dans notre دين. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. Et dans l'autre hadith, أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. Surtout الآن avec ces téléphones qu'on a aujourd'hui, فكثير من الناس femmes ou autres, ils prennent des photos comme si c'était halal. Alors que le Nabi صلى الله عليه وسلم, il a maudit celui qui fait هذا. لعن الله المصورين. Et dans l'autre hadith, il démontre que ceux qui auront le plus grand châtiment يوم القيامة, c'est ceux qui font ces images. Et في الحقيقة, il n'y a aucune حاجة. C'est le shaitan فقط. أما des générations, ils ont vécu avant nous sans prendre ces photos. Et alhamdulillah, ils vivaient très bien. لكن الشيطان. كذلك, parmi les choses qui sont répandues chez les femmes, خاصة من المنكرات, النياحة, أي عند الموت. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا, il fait pas partie de notre nous, il fait pas partie de nous, il fait pas partie de notre din. من لطم الخدود, ceux qui se griffent le visage, ils se tapent le visage, وشق الجيوب, ils se déchirent leurs vêtements quand ils apprennent la mort d'un proche. هذا كثير في النساء. La femme, elle doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah il a qadr que ce proche, cet enfant, il meurt, Allah il a une hikmah. Et on doit, la tristesse, c'est pas interdit. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré pour son fils Ibrahim. Lakin on doit peser nos mots. On doit patienter. Et fil haqiqa, cette femme, qu'elle se griffe le visage, elle s'arrache les vêtements, ça fera pas revenir son mort. Donc la patience. Kadhalik, et ça c'est une musiba azim. Et fil haqiqa, on a cité à la fin de cette kalima, lakin c'est la chose la plus importante. Des erreurs fi tawhid. Ta'liq at-tama'im. بعض النساء sont encore fi hada. عياذا بالله. خاصة الجاهلات. قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتول شرك. Et des talismans pour la protéger de telles choses, pour la protéger du عين, pour préserver ses enfants. Des choses qui sont écrites. والعياذ بالله. Celui qui préserve, c'est Allah Azza wa Jal. Tu veux écarter Shaitan de toi et de tes enfants? Écarte-toi de la musique, écarte-toi des images, écarte-toi de la mixité, préserve ton bayt et tu verras que tu seras à la khayr. Un bout de papier avec des cheveux ou autre dedans, ça fait que t'éloigner d'Allah Azza wa Jal. كذلك الاعتقادات الباطلة والخرافات. Et des choses qui sont basées sur des rêves qui n'ont aucun fondement. Ne pas laver ses habits le samedi, ne pas nettoyer la maison tel jour, ne pas manger telle chose tel jour, que des khurafat, des bid'ah. Ça vient de Al-Sufiya et de Al-Juhal. Et بعض النساء إلى الآن ils sont à la hada. Rubbama, elle prend des photos. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit celui qui prend des photos. Rubbama, elle s'épile les sourcils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a maudit. Beaucoup de choses, la mixité. Enfin, Rubbama, elle fait toutes ces choses. كأنه سي حلال. Et des choses qui n'ont aucun fondement. مثلا, بالله عليك, laver ses vêtements le samedi. بعض النساء إلى الآن. Elles peuvent pas laver leurs habits, leurs vêtements le samedi. Pourquoi? Allahu a'lam. كذلك, ne pas prendre sa douche tel jour, ne pas se laver la nuit. Tout ça, c'est des khurafat, il n'y a aucun fondement. Pourquoi on n'applique pas les choses ou qu'il y a des hadiths clairs? Et le reste, on délaisse. كذلك, الذهاب إلى السحرة والكهان. aller voir des sorciers. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا سيدي كفر. Ça fait sortir de l'islam. Rendre visite, aller voir un sorcier et rendre véridique, فصدقه بما يقول, et il croit en ce qu'il dit, فقد كفر, il a mécru au message du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, et il sort de l'islam. كم من النساء الآن, كم من النساء, elle a perdu quelque chose, elle va voir un tel. ولا تغتر بالأسماء, il appelle Sayyid Awwali, celui qui connaît le ghaib, c'est Allah Azza wa Jal. On n'a pas le droit de revenir à Haoula qui travaille avec Al-Shayatin. فأخيرا ننصح الجميع بالعناية بالعلم الشرعي, il y en a beaucoup de ces points, c'est des problèmes à cause du ilm. On se conseille à nous-mêmes ainsi qu'à nos frères et à nos sœurs, العناية بالعلم الشرعي, faire des efforts في العلم الشرعي, خاصة التوحيد. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. On n'a été créé que pour ça. On n'a pas été créé que pour prendre soin de nos corps, de nos apparences et qu'il wa qal. Là, on a été créé pour l'ibadah. On doit faire des efforts. Et l'ibadah sera authentique qu'avec l'ilm. كذلك, on conseille cette femme الْعِنَايَ بِزَوْجِهَا وَأَوْلَادِهَا وَشُؤُونَ بَيْتِهَا. Attention aux fréquentations. كَمْ مِنَ النِّسَ. Elles ont beaucoup de fréquentations, beaucoup d'amis, ثُمَّ des problèmes et elles se retrouvent seules. Et à cause de ses amis, elle fait du mal à son mari, à ses enfants, etc. Prends soin de ton mari, prends soin de tes enfants. Choisis tes fréquentations et inshallah tu seras à la khair. كذلك, celles qui sont pas encore mariées, an-nasiha c'est bizawaj al-mubakkir. Bien sûr avec un homme rajulun salih. Elle fait attention, كذلك. Elle fait attention. Le mariage avec un homme qui n'est pas salih, qui n'est pas à la sunna, qui ne craint pas Allah Azza wa Jal, probablement il lui fera du mal à elle, il fera du mal à ses enfants. لماذا لأن il n'a pas ce mode de vie. على الخير والهدى. وتأملي دائما ce hadith qu'on a déjà cité. المرأة المسلمة doit méditer sur les hadiths مثل هذا. قال صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها. Donc cette femme, si elle préserve ses salawats, elle fait siyam, ramadan, et elle s'écarte mina al-fawahish, et elle obéit à son mari, qila laha tkhuli al-jannah min ay abwab al-jannah shi'ti. Notre but, c'est tous al-jannah. Hadihi ad-dunya la taghtarri. On doit pas se faire avoir par cette dunya, ça va passer. Ta jeunesse, elle va passer, la santé, elle passe, et chacun de nous y goûtera à la mort. Kullu nafsin dha'iqatul maut, et le but de chacun c'est al-jannah. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré à cette femme le chemin pour le Jannah. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa s-sadat wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alameen.